château, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. L'attend dans sa chambre, la fille du roi lui sourit. Il est charmant, il a